vous êtes à CIF. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Samuel Girard nous entretiendra sur un sujet d'actualité dans Girard part sur une Girard. Et Evelyne Dulac entretiendra l'espace d'art qui sommeille en nous dans la chronique du Club Pélère et Culinaire. Assemblage Reiki commence tout de suite. Assemblage Reiki. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Reiki. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce lundi 25 janvier 2016, 92 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. C'est Tania, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux, je dois l'avouer. T'étais pas sûr de venir aujourd'hui. Je dois avouer que hier, en allant me coucher, non, hier, juste sur le divan, je croyais que j'allais mourir ma vie. Oh. Puis finalement, ma mère m'a donné une bouillie. C'est ça. Maman. Puis elle m'a beaucoup aidée, puis je vais beaucoup mieux. Ta mère est une bouillotte, c'est ce que j'en ai compris. Non, ma mère n'est pas une bouillotte. Ma mère m'a donné une bouillotte. C'est sur notre chanson thème de Valesse Pariétaire, remaniée par les risques du plasmique qu'on commence aujourd'hui. Soyez à l'écoute pendant tout le mois de janvier. Il y a plusieurs autres nouveautés qui s'en viennent, dont tout à l'heure, Evelyne Dulac, qui va être avec nous pour la chronique du Club plein air UQTR. On connaît Catherine Langlois, qui a fait la session d'automne. Catherine s'en va en stage. Ooh. Donc, c'est Evelyne qui la remplace. On va la voir pour la première fois à 9h. On va parler un petit peu des activités qui s'en viennent pour le Club plein air. Donc, à 9h. On va vous la décrire. La décrire physiquement. C'est ça. On fera la comparaison. À 8h30, Samuel Girard et sa chronique sur l'actualité, surtout canadienne, québécoise. Mm-hmm. Alors qu'on va parler de ça avec lui, c'est son opinion qui importe à 8h30. Ta chronique à toi, Tania Esgolin-Tutinia, qu'est-ce qui s'en vient? On parle de musique aujourd'hui. Génial. Oui. Peut-être un style de musique dont je parle moins souvent ici, mais j'ai fait quelques découvertes assez plaisantes durant la fin de semaine, donc je vais vous en discuter un petit peu. Cool! Et on va commencer avec C'est un fait dans quelques minutes. Mais avant ça, question de commencer ce lundi sans trop se casser à la tête. Mm-hmm. Voici Ariane Zita et Émile Nelligan. Assemblage Reiki. Pour traîner tard dans la rue, il nous pardonnerait sûrement. Ariane Zita, assemblage requis. Émile Ligand, c'est pour savoir c'est qui, il faut avoir un petit peu de culture, tu comprends. Moi, je ne vous présente pas la culture ici, je vous présente des faits que vous n'avez pas besoin de savoir, mais qui vont vous donner quelque chose à dire si jamais vous rencontrez. Mais parfois, c'est très intéressant. Quelqu'un de cultivé. Oui, des fois, ce n'est pas. Ça nous rend très intelligents. Voilà, c'est un fait. Ça peut faire en sorte qu'on gagne à Trivia. Pursuit. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. J'ai pas chanté de la même façon d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? J'ai manqué à l'appel, là. J'étais en train de bailler. Ah, bon, quand même. Ben, tu sais, tu réponds les messages, je pense, en même temps sur Facebook. Oui, je suis multitasking ce matin. T'es capable de bailler en même temps, c'est ça. C'est ça, une fille. Mm-hmm. Tout à fait. Depuis 1960... La dinde moyenne a pris 11 livres, Tania. Comme une dinde normale. Une dinde moyenne a pris 11 livres, alors que l'Américain moyen a pris 28 livres. En moyenne, depuis 1960. C'est inquiétant, tout ça? Ça va pas bien, là. Ça va pas bien, non, t'as bien raison. Il y en a un qui a eu de la farce dedans, l'autre non. Hein? Peut-être même les deux. Peut-être les deux. Selon le service postal américain, le USPS, si vous recevez de la marchandise non sollicitée dans le courrier, c'est à vous de le garder, vous avez le droit. Ah, oh, ouais! Faut le garder, c'est Finders Keepers, là, celui qui le trouve, celui qui le garde. Donc, ça exemple que t'as un colis qui est livré chez vous par erreur, tu peux le garder? De la marchandise non sollicitée que tu reçois par le courrier. Donc, oui, un colis, ça serait non sollicité. C'est dépendant de ce qu'il y a dans la boîte. Ouais, sûr que si c'est illégal. C'est ça, si c'est illégal, retourne-le à UPS. USPS. Faites attention. Une bonne fontaine à San Francisco a survécu au tremblement de terre de 1906 et a aidé les pompiers à sauver le Mission District. A été peinturée, peinte or, en souvenir de l'événement. Donc, il y a une bonne fontaine or, dorée, à San Francisco. C'était par chance que la pénicilline a été testée sur les souris et non pas sur les cochons d'Inde, parce que la pénicilline est toxique pour les cochons d'Inde et donc la pénicilline aurait été complètement tassée de là, oubliée. Possiblement, ça nous a fait, ça nous aurait jamais fait réaliser que c'était utile comme antibiotique. Mais non, c'est vrai. Voilà. Donc, coup de chance que les souris existent. Que ce soit elles qui l'aient testé. Après avoir fait un atterrissage d'urgence en Chine en 2001, l'équipe du US Spy Plane se sont fait demander par les gens qui les ont capturés, des Chinois, de réciter les paroles de Hotel California pour prouver leur nationalité. T'es-tu sérieux? Tout le monde connaît les paroles de Hotel California. C'est pour ça qu'ils leur ont demandé de prouver leur nationalité en chantant ça. Ben, sous le stress, là, tu dois oublier toutes les paroles. J'avoue qu'à part le refrain, hein, mais je me dis que c'est ce qu'ils cherchaient. Ouais. En 1937, ouais, on va s'en sortir. En 1937, l'Oscar pour meilleure actrice de soutien est allé à Alice Brady pour son rôle dans In Old Chicago, mais elle ne pouvait pas se présenter à la cérémonie, donc un homme est arrivé à accepter le prix pour elle, de sa part. Après le spectacle, lui et l'Oscar n'ont plus jamais été revus. Ah, oh, ouais. C'est un dude qui passait par là et qui dit « Ah, va le prendre, la plupart... Ah, Caroline, Tania, quel drôle de hasard. Tu m'as parlé il y a deux minutes. Raconte-moi ton fil sur les gauchers. Parle-moi de ta soirée. Sur les gauchers? C'est pas ma soirée, mais en fait, hier, j'avais un brunch de démonstration Tupperware. Puis, hey, je dois avouer que j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de fun. L'extracteur à citron est quand même pas si pire, la fin. Oui, tout à fait. À la lime orange, tu peux mettre des quartiers d'orange dedans aussi. Agrumes, oui. Oui, exactement. Donc, salutations à Geneviève qui travaille au Michel Sarrazin qui a fait la démonstration hier. Salut Geneviève, Michel Sarrazin. Donc, ouais, non, j'ai vraiment trippé. C'était comme ma première démonstration de Tupperware. J'ai été à plusieurs démonstrations dans ma vie, mais là, de tripper au terre sur des petits pots. Ben, c'est plus fun que des party light, mettons. Et là, c'est discutable. Tu sais? Ouh, qu'est-ce que c'est? Party light, t'aimes ça? Sentir des échantillons de chandelles. T'aimes pas ça? Non. Hey, j'adore ça, sentir des chandelles. Je pourrais passer ma vie à sentir des chandelles. Ben, voyons donc. Mais oui. Bref, Tupperware. Tupperware. T'as découvert quoi avec le Louvre-Can? Que Louvre-Can n'est pas fait pour les gauchers ou les gauchères. Ben voilà, tu vois, les gauchers, les je sais pas quoi, 10% de la population, vous êtes persécutés. Tout à fait. Justement, la plupart des langues ont un billet, donc sont contre les gauchers. Le mot « left », « left », gauche, vient de « lift », L-Y-F-T, qui veut dire « faible ». En hollandais, « link », ça veut dire « méchant ». En allemand, « link » veut dire « questionnable ». En mandarin, c'est « zuo », ça veut dire « impropre ». Et en turc, le mot pour « left », gauche, c'est « sol », ce qui veut dire « mourir » ou « être malade ». Ah ouais! Intéressant, n'est-ce pas? Très intéressant. Ouais. Très intéressant. Allez voir « Bias Against Left-Handed People », l'article est sur assemblagerequis.com, c'est évidemment en anglais. Le drapeau du Népal est tellement compliqué qu'il y a 24 étapes d'instruction pour le dessiner dans la constitution du Népal. Oh, ouais. Est-ce que vous voulez une description? S'il vous plaît. Ça ressemble à un demi-sapin de Noël. Donc, disons, empilons deux triangles avec un côté... Le côté gauche est plat de ce triangle-là. Okay. Et les deux autres côtés sont en pente. Là. C'est un triangle, évidemment, avec... Et ces deux triangles-là sont rouges avec un contour foncé bleu. Hein, d'accord? Un contour assez large. Dans le triangle du haut, t'as une lune avec un soleil qui en ressort. Okay. Et dans le triangle du bas, qui est un petit peu plus à pic, c'est juste un soleil ou une explosion, un peu comme genre une étiquette en spécial à l'épicerie, tu sais, avec plein de points, tu sais, comme genre en spécial. Donc ça, c'est le drapeau du Népal. Hein? Avec une bordure bleue, un soleil et un croissant de lune. Il y a aussi une variante avec une petite bibitte qui sort d'un genre de banane piquante. Okay. C'est un drapeau variant. Si okay, on veut. Oui. Ce qui était l'ancien drapeau du Népal avant 1962. Il y avait aussi un petit soleil avec un bonhomme dedans, un bonhomme fâché. Ah! Avec une tache dans le front. Avec un pénis dans le front, en fait. Je sais pas. Fallait voir ça. C'est vraiment spécial comme drapeau, mais ils l'ont simplifié avec le temps. Je suis bien content de voir ça. Oh, ils ont enlevé des détails. Mais ça reste difficile. Et les étapes sont vraiment dans l'ordre sur la page Wikipédia de Flag of Nepal. Il y a 24 étapes. Sous-divisé en 4 catégories. Quand même. Ensuite, le Apple One, un ordinateur de Apple, évidemment, est allé en vente en juillet 1976 au prix de $666.66. Parce que Steve Wozniak aimait les chiffres qui se répétaient. Et parce que c'était un tiers du prix de $500 que ça leur coûtait à fabriquer. Donc, ils faisaient le tiers de profit. Wozniak, qui s'appelle lui-même un athée ou agnostique, a dit qu'il n'était pas au courant de la connotation satanique de ce chiffre, de ce nombre, de ce prix, 666 et 66. En 1947, les enfants canadiens sont partis en grève, refusant de payer les 8 cents pour une barre de chocolat dont le prix avait monté. C'était à 5 cents le soir d'avant, donc ça a monté de 3 cents pendant la nuit. Le mouvement a pris le pays... En otage! Mon Dieu! Oui, mais ça a fini par tomber quand les gens pensaient que c'était organisé par les communistes. OK? Donc le bonbon est resté à 8 cents, finalement, c'est une barre de chocolat. On s'entend dit qu'à 8 cents, ta barre de chocolat, c'est pas si pire. C'est en 1947, ouais, le dollar n'était pas prêt. Ouais, une augmentation de 3 cents quand même. 3 cents, du jour au lendemain, boum! Oui, et il y a. Comme le gaz. Comme le gaz. Et il y a un article sur Mental Floss qui nous en parle un petit peu plus en détail. Donc, l'année était 1947, la Deuxième Guerre venait de se terminer et les nations partout sur la planète se reconstruisaient. Pour le Canada, on retournait au capitalisme après des années de gel de salaire obligé par le gouvernement, entre autres sur les biens et services. Donc, on voulait se remettre de presque une décennie de faibles marges de profit. Les compagnies ont commencé à augmenter le prix de tout, des légumes aux automobiles, donc ce qui a fait monter l'inflation et qui était difficile donc pour tout le monde. Les enfants d'une petite ville de Ladysmith sur l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique, se promenaient au Wigwam Café le 25 avril 1947. Ils ont été surpris d'apprendre que le 5 cents qu'ils avaient économisé avec leur argent de poche n'allaient plus pouvoir acheter la barre de chocolat qu'il voulait parce que le prix avait augmenté de 60% littéralement d'un soir à l'autre, de 5 cents à 8 cents pour une barre de chocolat de 3 onces. À la place d'accepter l'augmentation de prix, les enfants ont décidé de faire quelque chose. Ils ont écrit des pancartes. Ils ont commencé à marcher dans les rues en chantant une chanson de manifestation qui est la suivante. Nous voulons une barre de chocolat à 5 cents. 8 cents, c'est ben trop cher. Nous avons besoin d'une barre de chocolat à 5 cents. Ou nous voulons une barre de chocolat à 5 cents. Hein, c'est catchy hey, quand même. Hein? Quand même. We want a 5 cent chocolate bar. 8 cents is going too far. We want a 5 cent chocolate bar. Oh, we want a 5 cent bar. J'imagine que c'était chanté sous cette, sur cette heure-là. Peut-être que c'est sur la chanson de cette heure aussi. On sait pas. Peut-être. Donc on a appelé ça la Chocolate Bar Strike. Tu connais Vin Diesel? Ben oui. Qui est entré par infraction dans un cinéma de New York avec son frère quand il avait 7 ans. Il avait l'intention de vandaliser ce cinéma-là. Et ils se sont fait prendre à la place d'appeler la police. Le directeur artistique du cinéma leur a offert un rôle dans un futur... ça dit theater, donc j'imagine que c'est un théâtre, non pas un cinéma. Pour un futur spectacle qui a donc débuté et démarré la campagne. La carrière d'acteur de Vin Diesel. L'équipe d'écriture de la série Futurama... Hein? Futurama, émission de science-fiction, dessin animé du même créateur que les Simpsons. Bref, ils ont 3 PhDs, 7 maîtrises et au cumulatif, si on les rassemble tous ensemble, plus de 50 ans d'études à Harvard. C'est des gens intelligents. L'écrivain principal de la série, Patrick M. Verone, a dit « Nous sommes facilement les écrivains de sitcom ou de cartoon les plus suréduqués de l'histoire. » Oh boy! Allô, Lego? Ça prend pas pour rien, lui. Hein? Non, mais tu sais, il s'assume, là. Ils sont surqualifiés. On peut au moins admettre le fait que tu peux pas vraiment te tromper qu'ils sont surqualifiés. Je sais pas, j'écoute pas ça. C'est bon, Futurama. Il y a une classe de gens au Japon qu'on appelle les cyber homeless, donc les cyber sans-abri, qui vivent dans des cybercafés parce que c'est moins cher que se payer un appartement. Les cafés offrent des douches gratuites et vendent même des sous-vêtements. C'est vrai, ça? Ben, pas de même! Ben, pas de même pour ce fait-là. Oui, c'est les cyber homeless. Vous pouvez aller voir sur la page Wikipédia de Netcafé Refugee. Oh, ouais. Réfugié de Netcafé. Le photographe Matthew Brady a capturé plus de 7000 photos de la guerre civile américaine, dont le portrait de Lincoln qui a plus tard été utilisé pour le billet de 5$ aux États-Unis. Hein? C'est devenu évidemment la documentation visuelle la plus importante de cette période-là. Il est mort endetté quand le gouvernement américain n'a pas acheté les copies maîtresses de ses photos après la guerre. Donc il est mort sans trop d'argent, Matthew Brady, photographe. Dans une mine d'or péruvienne, les mineurs, travaillent pendant 30 jours sans se faire payer. Mais le 31e jour, ils ont droit de ramener autant d'or qu'ils peuvent transporter sur leurs épaules. Hein? Ce qu'on appelle pas l'or, là, mais dans le fond, le truc dans lequel il y a l'or, là, comment t'appelles ça? Une charrette, mettons? Non, le, pas la pierre, mais le truc dans lequel l'or est, là. Faut que tu passes au tamis. Là. Ok, oui. Ils ont le droit d'en ramener autant qu'ils veulent sur leurs épaules. On sait pas si ça contient de l'or. En fait, ça va être une question de chance. Mettre des croquettes. Oui. D'or. Ou encore des morceaux prometteurs qui pensent qu'il y a de l'or dedans. C'est toléré. On a le droit d'amener ce qu'on veut. Donc pendant 30 jours, on n'est pas payé. Ça, c'est au Pérou. Là. Ouais, mais ça veut pas jour, dire que tu vas en avoir de l'or là, quand tu vas sortir de là. C'est ça, c'est une question de chance. Eh hey boy. Hein? 30 jours de bénévolat pour oui ou non, t'as de l'or. Peut-être un jackpot, on sait pas. Eh hey boy. En 1999, le maître des échecs, Garry Kasparov, a joué dans une partie d'échecs qui a duré plus de 4 mois contre le peuple. Plus de 50 000 personnes de plus de 75 pays ont participé à cette partie-là, avec les mouvements qui étaient décidés par un vote majoritaire, donc par vote. Mm-hmm. Garry a finalement gagné. Lors du 62e tour, lorsque 51% du monde a décidé de se retirer de la partie. Ah ouais? Félicitations, Garry Kasparov, en 1999. Les pyramides ont été... on a demandé à ce que les pyramides soient désassemblées et que leurs blocs soient utilisés pour construire des barrages sur le Nil. Le chef architecte, personnellement, était opposé à l'idée, mais savait qu'il serait remplacé s'il défiait les ordres des chefs. Ou du chef, ça ne dit pas. Donc, il a préparé une fausse analyse de coûts montrant que ramener des pierres fraîches, neuves, allait coûter moins cher que de défaire les pyramides, ce qui a sauvé les pyramides. Hein? Louis-Maurice Adolphe Linan de Bellefond, mieux connu sous le nom de Linan Pacha, était explorateur de l'Égypte et chef ingénieur des travaux publics de l'Égypte entre 1831 et 1869. Il y a une virgule. Probablement qu'il est né lui-même en 1831 et est mort en 1869. Bref, l'ingénieur en chef du canal de Suez. Voilà. Ensuite, Allons-y avec... est-ce qu'on l'a déjà fait, celui-là, Tania? Est-ce que tu t'en rappelles? Oui, on l'a déjà fait. Attends. Celui avec les personnes âgées dans un parc, là, on l'a déjà fait. Oui. Ça aussi, on l'a déjà fait. Coudonc, qu'est-ce que je fais là, moi, là? On va arrêter là, on va prendre une pause. De toute façon, il est 8h, ça va être le temps de ta chronique. Et on reviendra avec d'autres faits, un autre moment à Assemblage Requis. Voilà. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Finir avec les pyramides, ça a bien du sens. Ça donne envie de Toblerone. Oh, Toblerone. Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ça. Ah, ils en vendent à la cafétéria, toi, chose. Hein? Je te jure, j'ai vu quelqu'un, l'autre fois, une jeune dame, acheter une Toblerone. J'étais comme, man, you're made for me. Oh, c'est la femme de ta vie. C'est ça. Mais t'as pas couru après. Ah, tu sais. Hein? Tristesse. Ça m'aurait soufflé, puis j'arrive là. Au retour, Tania is gonna entertain you. Reste là. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Vous êtes assez fait. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Yeah. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage Reiki. Oui. Assemblage Reiki. Toujours à Assemblage Reiki, on se le dit 25 janvier 2016, c'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Et c'est le moment justement d'entendre parler, Tania, d'un sujet qui l'intéresse, de musique aujourd'hui. Oui. C'est Tania is gonna entertain. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant elle décolle, c'est Tania. She's gonna entertain you. And she's gonna entertain you. Salut Tania. Bon matin. Qu'on fait un bon duo, toi. C'est fou. Incroyable. Moi, je trouve que j'ai fait les meilleurs back vocals ever. Ah, vraiment, tu devrais avoir un back en back vocals. Tout à fait. Ah, voilà. Donc aujourd'hui, on parle de musique, Tania. Oui, on parle de musique parce que, mon Dieu, je trouve que ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas parlé de musique ou d'artistes que j'avais découvert quand même. C'est ça quasiment à chaque semaine d'habitude. Là, c'est vrai, à chaque semaine en temps habituel, je parle d'artistes que j'ai découvert. Puis la semaine dernière, on dirait que j'ai eu tellement des sujets recherchés. Oui, ben, c'est vrai, c'est des sujets en profondeur. Ouais, des puis dossiers. Bien préparés que cette semaine, je me suis dit, ça m'a fait peur. On va y aller avec la musique cette semaine. J'ai 3 artistes pour vous que je vais vous faire découvrir ce matin. Et Mathieu, je ne sais pas si tu as trouvé tout ce que j'avais mis dans le dossier. Je trouve toujours, Tania. Excellent. Donc, la première artiste que je vais vous présenter, en fait, c'est Kyla Lagrange. Je trouve ça quand même assez comique comme nom. Parce en anglais, Lagrange. Oui, parce qu'elle vient d'Angleterre. Ouais. Donc, automatiquement, c'est comme Kyla Lagrange ou Lagrange. C'est comme Hermione Granger comme dans Harry Potter. Oui. C'est vrai, hein? Tu n'y avais pas pensé à Hermione? Non, hein? J'avais pas pensé à Hermione Granger. Voilà, je t'apprends c'est les choses vrai. Aussi, ça. T'as bien raison. Mais bon, tout ça pour dire que la jeune fille est âgée de 29 ans. Elle vient de Watford, en Angleterre. Eh bien oui, c'est mon artiste anglais de la journée, parce qu'on le sait, à chaque fois que je présente des artistes, de nouveaux artistes, il me faut avoir un artiste anglais ou européen qui vient pas d'ici. Fouillez-moi pourquoi, c'est de même, c'est comme ça que ça se passe. Donc, en fait, qui est Kyla Lagrange? Eh bien, c'est une chanteuse, compositrice, interprète, auteure-compositrice, interprète, c'est comme ça qu'on dit, hein? Donc oui, c'est ça. OK. C'est beaucoup de choses. Oui, quand même. Qui est dans le monde de la musique depuis quand même 2011. Par contre, il faut savoir qu'avant tout ça, elle a étudié et elle a gradué de l'université en philosophie. Donc, tous ses textes en temps normal sont très, très profonds. Et c'est quand même de la musique que je trouve assez écoutable le matin lorsqu'on se lève, parce que c'est comme ça que je l'ai découvert, okay. On le sait. Je le dis souvent le matin quand que je me lève, je mets bien souvent soit Spotify, 8-Tracks ou bien d'autres facettes ou applications musicales. Et c'est comme ça que la plupart du temps, je vais faire la découverte de plusieurs nouveaux artistes. Alors, c'est comme ça que je l'ai écouté. Je l'ai écouté le matin et j'ai été grandement surprise de son genre musical. Tu vas reproduire l'expérience pour nous tantôt. Ben oui, définitivement. Ben oui. Je vais vous la faire écouter. Je suis quand même pas aussi méchante pour dire, bon, ben vous irez l'écouter puis pas vous la faire entendre. Donc, elle est du style plutôt indie, synthétique, pop, et on va même jusqu'à dire qu'elle est électro. Par contre, c'est de l'électro, je dirais... comment je pourrais dire ça? De l'électro relax, de l'électro chill. OK, ouais. Tu sais, le genre de musique que, électro que tu peux écouter même si t'étudies, ou comme je le disais, en te préparant le matin, tu veux pas quelque chose de trop agressif, tu peux écouter Kyla Lagrange, ça s'écoute super bien. Elle a fait des collaborations avec Kygo, qui lui est un DJ qui remixe quand même plusieurs musiques d'artistes. Donc, il y a quelques de ces pièces que vous pouvez retrouver sur YouTube qui ont été remixées par Kygo. Si jamais vous voulez avoir la version justement électro ou EDM plus dansée ou plus bougeante. EDM, c'est Electronic Dance Music. Et voilà. C'est pas tout le monde qui connaît ça. Ah non, t'as raison. Donc, si jamais vous voulez de l'EDM, bien, vous pouvez aller sur sa page YouTube. Vous allez voir les différentes collaborations qu'elle a fait avec Kygo. De ce côté-là, ça s'écoute bien, ça aussi, quand ils sont remixés, là, je dois l'avouer. Fait, j'ai écouté l'original que j'avais entendu et j'ai écouté le remix et c'est quand même très bon. Comme je l'ai dit, elle est dans le monde de la musique depuis 2011. Elle a deux albums maintenant à son actif. Son deuxième album est sorti en 2014 et il s'appelait « Cut Your Teeth ». Et il a été sorti en juin 2014 et vous pouvez l'acheter dans son entièreté sur iTunes si jamais ça vous tente. Ouais. J'ai pas écouté toutes les pièces, mais je dois dire que ça m'intrigue et que je vais probablement aller tout écouter l'album avant de l'acheter. Mais je pense que je vais faire un achat bientôt. Là. Ah! Ouais. Donc, avant de passer à l'autre artiste, je pense que... On va y aller comme ça. Je vais vous présenter la pièce que j'ai trouvée pour Kyla Lagrange, qui est justement porte le nom de l'album, qui est Cut Your Teeth. Assemblage requise. Well, I've played words on to a page for you, you never knew my name. Cut Your Teeth de Kyla Lagrange, on va dire comme ça, pour pas dire Kyla Lagrange, parce qu'en fait, c'est vraiment comme ça qu'on pourrait le dire. Cette pièce-là, elle-même, Cut Your Teeth, vous pouvez l'entendre remixée par Kygo, comme je vous le disais, sur la page Facebook de Kyla. Et je vous invite à le faire, parce qu'en fait, ça va être vraiment deux styles différents. Vous venez d'entendre l'original, qui est quand même assez mollo, qui est quand même assez, oui, on le sait, électro. Ouais. Par contre, si vous voulez que ça bouge plus, vous pouvez écouter la deuxième version, et je dois l'avouer, les deux sont excellentes. Je pense que je vais faire jouer les deux sur mon téléphone en même temps. Si ça se peut. La technologie dans la même playlist. Mais c'est la même voix en plus, donc il y a un petit lien quand même entre les deux, même si ça change le style musical. C'est vrai, c'est vrai. Le deuxième artiste, ou plutôt le deuxième band que je vais vous parler, parce que bien évidemment, c'est un band, comme je viens de le dire, c'est The Electronic Sons. Est-ce que tu connais? The Electric Sons. Tu te trompes toi-même. T'as bien raison. C'est The Electric Sons. Ça, je suis en train de le taper sur Google. Mais c'est deux gars d'Atlanta, donc aux États-Unis, qui se sont mis ensemble. On parle de Andrew Miller et Ben Richards. Un est bien évidemment la voix, l'autre la guitare. Mais ils ont ajouté à ça récemment du drum live. Mm-hmm. Et c'est fait par... laissez-moi 30 secondes. Chris Ziegler, qui lui est à la basse et au drum, lorsqu'ils sont, exemple, en tournée ou en spectacle, eh bien là, ils vont l'appeler puis il va venir jouer avec eux. Ouais. Mais en temps normal, le band est composé de seulement deux gars. Okay. Et je dois avouer qu'ils sont pas... Ben, t'sais, j'ai pas pensé de commentaire sur Kyla tantôt, là. Kyla Lagrange, oui. Elle était assez jolie, merci. T'sais, mais je voulais pas avoir l'air de ça, mais comme toi, tu le fais, ouais. Ouais, je dois avouer que, mesdames, si jamais ça vous tente, vous pouvez juste passer sur la page Facebook pour admirer les deux petits visages de The Electronic Sons, parce qu'ils sont quand même cute. Ils vont enfin vendre des albums! Je vous discutais au début de l'émission que je vous faisais découvrir des styles musicaux que, en temps normal, je ne vous fais pas nécessairement écouter, parce que là, encore une fois, on parle d'électronique, mais de cette fois-ci, un petit peu plus indie alternatif, et ils disent eux-mêmes, ça va être de l'électro, mais alternatif, et c'est ce que j'ai aimé aussi, je dois l'avouer. Je l'ai découvert tout de suite après Kyla Lagrange dans la même playlist sur 8-Tracks. Donc, j'avais tapé « morning » dans les mots-clés. Ça fonctionne. Je voulais absolument des choses qui n'étaient pas nécessairement trop, trop bougeantes. Je voulais quelque chose qui s'écoute bien le matin en buvant mon café, en me préparant. Donc, The Electronic Sons, encore une fois, c'est quelque chose qui s'écoute bien le matin. Ou si jamais vous êtes en train d'étudier, que vous vaguez à d'autres occupations en même temps, c'est pas trop lourd comme son. Et ça s'écoute super bien. Vous allez voir, les gars ont aussi de belles voix. Mm-hmm. Et de beaux visages. Quand tu dis alternatif, tantôt Kyla, c'était quand même assez, elle chantait de façon assez, comment dire, mainstream. Oui. C'était pas trop dérangeant. Non. Là, c'est quoi la différence avec Kyla dans leur cas? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont alternatifs selon toi? Je pense qu'il y a un petit peu plus de guitare, il y a un petit peu plus de voix rauque. Donc, de ce côté-là, je pense que c'est un petit peu plus alternatif. Rock, peut-être. Je vais même aller jusqu'à un petit peu rock parce que je dois l'avouer, quand j'ai écouté la chanson ce matin, je me disais, d'accord, c'est bon. Mais j'aurais peut-être pas nécessairement mis ça indie. Justement, de ce côté-là, je l'aurais mis peut-être un petit peu plus rock, un petit peu plus. Peut-être même un petit peu plus pop que simplement dire indie parce que on le dit souvent, indie, ça veut absolument rien dire. Mais on dirait que tous les artistes émergents, les nouveaux artistes vont se qualifier d'indie. Pour que si tu tapes indie sur Internet, tu puisses tomber sur eux. Là. Alors, qu'en tant que tel, indie, ça veut juste dire qu'il n'a pas été signé à une étiquette. C'est marrant. Ça. Et de ce côté-là, Kyla Lagrange a été signée avec Sony. C'est ça, ça veut donc, rien dire. De dire qu'elle est indie maintenant, bah. Pas tant. Pas tant, non. Ouais. J'irais peut-être même plus vers l'électro synthétique pop que vers le indie pour Kyla Lagrange. Même chose un peu du côté de Electronic Sons. Par Electric. Contre, Electric. Pourquoi j'aurais pas dire Electronic Sons? Electric Sons. Je dirais même qu'en fait, ces deux gars-là, je les qualifierais pas d'indie. Aucunement. Mais comme tu le dis, ils ont pas encore été signés. Donc, de ce côté-là, ils se doivent un petit peu de se qualifier eux-mêmes d'indie. Par contre, j'irais plus vers le rock alternatif, électrique, électronique que indie en tant que tel. Parce qu'on le sait, on dirait en plus que toutes les gens qui se qualifient d'indie sont comme en train de lirer pendant que je chante. Ils se plaignent, moi. C'est vrai, avoue, hein, on dirait qu'ils se plaignent tous. Donc, je suis d'accord. De ce côté-là, je serais pas tant. Mais band d'Atlanta, band de l'Amérique du Nord. C'est quelque chose que je présente pas souvent. C'est rare que je présente des artistes qui viennent des États-Unis ou de l'Amérique du Nord. Trop facile? Ben non, en temps normal, je trippe pas tant. OK. Tu sais, avoue, le nombre d'artistes que j'ai déjà présentés, ils viennent tous de l'Europe ou d'ailleurs. Oui. Rarement de l'Amérique du Nord, mais je pense que c'est leur petit charme. Leur petit faciès, le hein? Le petit face qui m'ont charmé. Et maudit que t'es superficiel. C'est pas vrai. Et de ce côté-là, eh bien, on va entendre la chanson Golden Age. Là aussi, la chanson porte le même nom que leur album. Assemblage Rocky. Assemblage Rocky. Assemblage Rocky. Au 89 FM. Au 89 FM. You're waking up, you feel it all around the world. You're shaking up, cause it's nothing like you heard. We just want to pretend, feels like this life will never end. Golden Age, The Electric Suns. Mmh. Oh, c'est bon, hein? Oh. Avoue, ça me met de bonne humeur le matin. Mais ça, hein, c'est super bon. Tu peux bon. Pas écouter ça puis pas être de bonne humeur. C'est enjoué. C'est terrible. Oui. Si on écoute ça puis qu'on est encore de mauvaise humeur, il y a un problème. C'est ça. T'es en dépression. Hey, wow. Le troisième artiste dont je vais vous parler, eh bien, c'est un artiste d'ici. C'est Keaton Adam, mais de son vrai nom, il s'appelle Kevin Célestin. C'est un peu moins vendeur, à vous. Hein? Kevin Célestin ou Keaton Adam, je pense que son, on va y aller mieux avec Kate Renada. Il est né à Haïti, mais il a été il a grandi à Montréal. Et c'est un artiste, encore une fois, électro. Je veux pas dire EDM, EDM tout de suite parce que... C'est pas tout à fait ça. Ouais, c'est plus des remixes. Okay. C'est plus des remixes. Et lui-même dit qu'il aime beaucoup, beaucoup le beat. Il a une culture très, très R&B et hip-hop. Il aime faire ses propres beats. Par contre... Il doit pas mettre un espace, lui, entre hip et hop, comme tu fais. Hip-hop? Tu sais, les gens dans l'hip-hop, ils disent pas genre hip-hop. Ça, ça fait très, très genre... J'ai dit hip-hop? Hip-hop. Hip-hop. Hip-hop. Allez, hop. Hip-hop. Hip-hop-dou. Ouais, c'est ça. Bon. lui-même dit, en fait, qu'il aime créer ses propres beats de ce côté-là, mais qu'il aime beaucoup remixer d'autres gens, dont, d'ailleurs, il a remixé Janet Jackson, Missy Elliott, TLC, Danny Brown. Et c'est vraiment ça qui l'a fait connaître au grand public. Il a joué, entre autres, en tournée en Europe, en Australie, Amérique du Nord. Il a sorti beaucoup, beaucoup de... petit mix, comme on le disait pendant la chanson, c'est comme 3-4 mix qui va être mis sur un CD. Ouais. Et il en a fait beaucoup, ce qui a créé quand même un engouement sur SoundCloud. Un buzz. Ouais. Ouais. Mais c'est bon, c'est marketing. Sortir des maxi, là, des EP, des fois qu'on appelle dans le domaine, entre deux vrais albums, ça fait que les gens continuent de parler de toi. Ben oui. C'est une bonne idée. Il faut. Ouais. Puis je pense que, justement, sur Internet, on a la possibilité de le faire quand on est artiste. Ouais. Bien évidemment, c'est sûr que ça prend beaucoup de temps de le faire, mais ça vaut la peine. Ça coûte moins cher que d'imprimer des CD pour... Dans le temps, il fallait faire des EP sur CD. T'sais. Oui. Là, sur Internet, tu peux en faire quand tu veux. Hein? C'est ça. Tu gardes le pied dans la porte. Ben oui. C'est ça. Puis si vous allez voir sa page SoundCloud, vous allez voir, il y en a beaucoup, beaucoup des remixes de ses propres beats aussi sur sa page YouTube, si jamais ça vous tente. Vous allez voir, c'est vraiment sur ces sites-là qu'on peut rejoindre le plus grand nombre d'artistes électro ou encore EDM ou le genre de musique que nécessairement on n'entendra pas tout le temps à la radio. Bien, c'est vraiment, je pense, sur Internet qu'on peut se donner la possibilité de le faire. Sur les applications aussi, comme je le disais, 8-Track, Spotify, c'est vraiment là qu'on va pouvoir faire découvrir les artistes. Tu n'auras pas de l'argent nécessairement, mais au moins tu vas te faire avoir. Non, ben c'est ça. Mais je pense qu'avant de faire de l'argent, il faut que tu montres ce que tu vaux. Oui, c'est pas des shows pour faire de l'argent. Ben, tu vas avoir des chandails. C'est ça. Ouais. C'est ce qu'il a fait aussi, Kate Renada. Il a donné beaucoup, beaucoup de spectacles à Montréal. Entre autres, il a célébré le Nouvel An dans un gros party à Montréal. C'était lui la tête d'affiche de ce fameux party-là. C'est un DJ qui fait parler de plus en plus de lui. Et c'est ce qu'on aime, en fait. Et vous allez voir, parce que je pense que je vais juste comme arrêter d'en parler et je vais vous le faire écouter, parce que vous allez voir, c'est super bon. Il y a plusieurs beats qui sont sur Internet. Je vous invite à aller les écouter. C'est très différent de un à l'autre, donc vous allez pouvoir voir. Je vais vous faire écouter la pièce « At All » de Kate Renada. On écoute ça à Assemblage requis. Ça, c'est fou. 89.1 FM. Ouh! K-Tranada at all. Et je vous invite à aller faire un tour sur son SoundCloud parce que je vous le disais, c'est vraiment là que vous pouvez trouver toutes les mix qu'il a fait. Je vous parlais des trois artistes, The Electronic Sons, K-Tranada et Kyla Lagrange. Pendant qu'on faisait écouter K-Tranada à nos auditeurs, il y a plusieurs gens qui m'ont écrit comme quoi Kyla Lagrange, ils ont beaucoup aimé. Alors, je pense qu'on va se quitter avec une autre pièce de Kyla Lagrange. Oui. C'est une pièce de son album, encore une fois, et ça va être The Knife de Kyla Lagrange. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Tania is gonna entertain you. You save her. She everything. You better pawn your life. de Knife par Kyla Lagrange. Je trouvais que ça finissait bien la chronique. Absolument. Tania is gonna be Tania tous les matins de semaine à Assemblage Rocky. Merci, Tania. Ça fait plaisir, Mathieu. Nous, on transitionne subtilement à Mélina qu'on reçoit en studio pour parler du carnaval qui commence aujourd'hui. Salut, Mélina. Salut. Ça va? Ça va très bien, toi. Oui. On va te recevoir tous les jours ici à Assemblage Rocky pour parler de ce qui se passe dans le carnaval étudiant 2016. Et oui! Qui a lieu cette semaine. C'est quoi la thématique du carnaval cette année, non? On y va, Nouvelle Génération, ceux qui ont connu Degrassi, Nouvelle Génération, une émission quand on était au secondaire. Star c'est... Trek, Nouvelle Génération aussi, n'oublie pas ça. Ah, moi, je suis pas de cette branche-là, pas en tout. Mais en tout cas, c'est ça, on reste dans le stéréotype un petit peu. On y va un peu funky. On leur a déjà donné des écoles aussi pour aller avec leur sous-thème. Fait que ça mettons va être... l'orchestre de l'école, les sportifs, les cheerleaders. Les campagnards de l'école La Petite Prairie, par exemple, pour Kiro. Ah, ben oui. Fait qu'on a poussé le thème un petit peu plus loin. Ils vont être créatifs, ça va être le fun. Combien d'équipes en tout? Je pense qu'on a 28 ou 29 associations d'inscrites en tout et partout. Il y en a, écoute, même Sciences infirmières, surprise cette année, ils sont très nombreux. On était vraiment contents d'avoir été chercher les assos qui habituellement ne participent pas autant. Puis on a pété un score aussi d'inscription, si je peux me permettre. Ah oui? 838 d'inscription. Je savais pas qu'il y avait une limite d'inscription. Il n'y a pas de limite d'inscription, c'est parce que le 10-12 a une capacité de 700 personnes pour les spectacles. Donc, si on ambitionne un peu trop, on est obligé d'empêcher du monde de rentrer. Même chose pour les chandails, les commandes de chandails, on a un délai. Donc, la dernière journée, c'est tout le temps difficile. Fait qu'on se met un deadline qu'on n'atteint jamais habituellement. Mais là, 28e édition cette année, 838 inscriptions. Très impressionnant, très fier aussi. Cool. C'est très bien. Donc, les gens qui s'inscrivaient à l'avance ont droit à leur chandail et leur boc. Avec leur logo sur le chandail avant Noël. Ils ont leur logo d'association aussi. Ceux qui sont inscrits après Noël, eux, n'ont pas leur logo. Ils n'ont pas le logo, c'est le logo du carnaval. C'est ce que je comprends. C'est correct, ça. Cool. Donc, aujourd'hui, c'est la première journée du carnaval. Et la première journée, ça veut dire parade, entre autres. Est-ce qu'on fait un petit descriptif de la journée? Comment ça va se dérouler étape par étape? On commence ça au pavillon Michel Sarrazin à 10h pour la parade. On monte ça au 10-12, tout le monde ensemble. Je vais faire un petit speech de bienvenue, les consignes pour la semaine. On va distribuer les chandails et les bocs. Par la suite, on se retrouve sur le terrain de soccer des Pats pour une game de Quidditch de midi à 2. Un concept avec des cerceaux. Ouais, des cerceaux, des frites de piscine. En tout cas, ça va être le fun au j'ai bout. J'ai jamais entendu le terme des frites de piscine. Ben non, moi non plus, j'avais entendu les ça nouilles. Oui. Ça vient de Drummondville, ça, je pense. Ah ben, tu révèles... Ouais. Ta nationalité. Et voilà. Après ça, on y va avec le quiz C'est fou à la chasse-galerie de 2 à 4. On va être là, nous autres. On va être là, nous autres. Ben, en tout cas, moi, je vais être dans le coin, mais Tania va l'animer, ce quiz-là. Parfait, ça va être le fun. C'est, sachez, pour ceux qui écoutent C'est fou ce matin et qui se demandent de quoi ça a l'air le quiz musical, c'est pas un quiz sur la radio commerciale. Non, c'est pas facile. C'est alternatif, c'est rock par moment. Donc, il y a plein de choses plus underground. Écoutez un petit peu C'est fou en temps normal, puis peut-être que vous allez avoir plus de chances de gagner. Peut-être. Par la suite, on transfère ça au 10-12 pour le montage des salons. Oui. Après ça, on y va avec une joke, une bière, notre incontournable, qui cette année est animé par un des humoristes qui va être là pour le spectacle ce soir. Fait que ça va faire une nouveauté, ça aussi, ça va être le fun. Oui, il y a un étudiant qui va animer avec Jesse, mais ça va donner un petit boost de plus, je pense. Mm-hmm. Puis par la suite, c'est ça, on y va avec le show du Maurice de 22 à 24 heures. Un petit show, un gala, si on veut, avec 5 humoristes, un animateur. Ça va être ça va bouger en masse, ça va être le fun. Qui va être là pour le show d'humour? On a Mehdi Boussadian, si je le prononce comme faux. J'ai pas le nom en avant de moi, mais... Ça ressemble à ça. Quelque chose du genre. Ça ressemble vrai. On en a 5 autres. Mon Dieu, j'ai une mémoire de poisson. Rosé Ivan Cour va être là. Yeah. Voilà. Je vais essayer de travailler mon TDA demain matin. Je vais tout avoir ça en main. Je suis désolée. Non, tout ça du monde jusqu'à minuit ce soir. Oui, exactement. Et puis après ça. Au 10-12. Ouais. Après ça, c'est terminé. On va transférer à la chasse-galerie pour ceux qui veulent rester. Après ça, on se transfère, c'est ça. Pour mardi matin, pour les sculptures à l'extérieur, première activité. Ça commence à quelle heure demain matin? C'est 10h. Par contre, on a toujours les cafés Bélaise de 8h30 à 10h30 dans le 10-12 à tous les matins. Très bon point. Si on s'en va là après l'émission et on va pouvoir avoir l'occasion de se reparler avant la prochaine activité du mardi matin, demain. À 8h30 environ, à Assemblage Rocky toute la semaine. J'y serai. Merci, Mélina. Ça me fait plaisir, merci. Le carnaval étudiant 2016, ici même sur le campus. Dans quelques minutes, ce sera Samuel Girard et sa chronique sur l'actualité. C'est où il part sur une chira. On y en a trouvé un, nous. Ouais.

C'était Young Rival et la pièce Interior Light, une pièce qui a fait son entrée récemment dans les palmarès. Mm-hmm. On la connaît pas encore tant que ça, mais une fois qu'on l'a fait jouer, on se dit crime qu'il faut qu'on la joue plus souvent encore. C'est vrai, hein? Vous êtes à Assemblage Requis et maintenant, c'est le moment de la chronique du club plein air. Écoutez. Oui. Allô. Écoute ta chanson, écoute ta chanson, écoute ta chanson. Hein? Une chanson thème juste pour toi. Yes. T'étais déjà super excité de faire cette chronique-là, mais avec une chanson thème, c'est gagné. Parfait. Donc, bonjour à toi, Evelyne Dulac. Oui. C'est ce qu'on m'a dit que c'était ton nom. Oui. Si ça n'a pas changé en cours de route. Non. Donc, tu prends la place de Catherine Langlois qui a fait la chronique avec nous pour l'automne et est partie en stage, qu'on me dit. Oui. Donc, t'es là comme temporairement? Ou... Oui, ben je vais faire quelques chroniques là, sur le plein air. Puis aujourd'hui, je suis plus venue pour parler des activités qu'on a cet hiver. Oui, on va y aller dans l'ordre, évidemment, les activités. Il y en a plein jusqu'à la fin de, j'imagine, d'avril. Oui, jusqu'au 22 avril, en fait. Avec la fin de la session? 27, oui. Ouais. Donc, l'activité la plus proche, c'est en février. Pour l'instant, en janvier, rien. Ben, en janvier, il y a eu la pêche sur glace. Oui, ah, ben tiens, est-ce que t'es allée? Oui. C'est le fun? Oui, c'est la semaine passée, c'était vraiment le fun. Petit poisson des chenaux? Oui. Est-ce que t'en as mangé? Non, ben moi, je suis végétarienne. J'ai pas pêché, ni... Mais il y a beaucoup de végétariens qui mangent du poisson. Ça, c'est des piscivores, c'est pas des végétariens. Mais piscivores, ça voudrait pas dire qu'ils mangent juste des poissons? Oui, mais il y a pas... où ce serait... Des végétariens, mais piscivores, végétariens. Ouais. Je savais pas. Est-ce que tu vas nous faire une chronique un jour là-dessus? Ça pourrait fitter? Ah! Pense. Bon, y penser. Bref. Elle a pas l'air sûre. Au moins, on sait que t'as pêché. J'ai pas pêché. J'ai regardé les autres pêcher, mais ils ont vraiment trippé, par exemple. OK. Ouais. Quand même. Mais on a eu du fun, là. Tu sais, c'est la bonne vieille petite cabane, puis tout le monde se réunit, puis... Est-ce que vous y êtes allé de jour ou de nuit? Tu sais, t'as comme le forfait de nuit, ouais, là, tu passes toute la nuit, là. Ouais, soirée-nuit, là. Ouais. On est parti tard, ouais, c'était mal. OK, cool. On est parti tard. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne, exactement. Donc, la prochaine activité, on l'a dit, c'est en février. Oui, exactement. C'est l'initiation aux techniques de camping d'hiver. OK. Donc, ça se passe mercredi le 10 février. C'est 10$, c'est tout le comment faire du camping d'hiver, parce qu'il faut quand même s'adapter à la neige pour pouvoir combattre le froid. Ouais. Puis c'est quand même intéressant. Ensuite, on a l'escalade sur glace le 23 février prochain. Ça va être vraiment malade, j'ai vraiment hâte parce que j'en ai jamais fait. Mais okay. Est-ce que vous faites ça au, comment ça s'appelle, au Maïka? Oui. C'est là, hein? Mm-hmm. Est-ce qu'il faut s'inscrire pour ces activités-là? Il faut s'inscrire à l'avance pas mal. Il y a un nombre de places limitées, j'imagine. Donc, oui, ben c'est quand même. Ben le camping d'hiver, c'est vraiment plus comme une conférence. Là, avec, okay. Mais l'escalade, donc c'est ouvert à tous. L'escalade sur glace, on peut tout le temps s'adapter, former des groupes plus grands. Mais c'est sûr qu'il y a une certaine limite là, à un moment donné. Donc, c'est bien de s'inscrire d'avance. On va donner la brochure, puis les gens vont pouvoir s'inscrire plus d'avance. Mm-hmm. Que la session passée. Ouais. Évidemment, on va avoir le temps d'en reparler d'ici là, oui. Question de location d'équipement et tout ça. Donc, oui. Il y a plein de questions par rapport à ça, mais on ira une chose à la fois. On va essayer de faire un petit survol un de la session survol. D'hiver. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a après ça? Après, on a le ski de fond le 11 mars. Okay. On a deux grands événements qui s'en viennent. Le 26 et 27 février, on a une expédition en raquette. Mm-hmm. Donc, c'est deux jours. On part sur le parc de la Jacques-Cartier en raquette. On se rend jusque dans des petites cabanes rustiques. Là-bas, on va avoir tout le long, on va avoir un guide qui s'appelle Alexandre. Il est vraiment, vraiment, vraiment cool. Je l'adore. Il était là au chalet à la dernière sortie de l'équiteur. La session passée, une des grandes activités qu'on a eues, c'était une soirée au chalet avec plein de trucs de camping puis d'hiver. En tout cas, bref, il va être là. C'est un compteur. OK, est, ben oui. Oui, il est extraordinairement drôle, je l'adore. Et on va avoir de la bonne bière, puis ça va être bien le fun. J'ai l'impression que c'est un facteur qui revient. Oui, hein, ouais, c'est comme, ils sont dans la nature, mais il y a toujours une bière à la main. Oui, mais c'est une petite dégustation, là, c'est pas ça. Une soulerie, là. Okay, c'est juste c'est pour ça. Le dégustation, oui, oui. Il tremble les lèvres, comme ça. Il arcrache dans un seau après, c'est clair. Ouais. C'est clair. Après, c'est ça, on revient le lendemain en raquette toujours, puis... Si t'as pas perdu une raquette en cours de route à cause de la boisson... Non, on va bien prendre soin des équitariens qui vont venir pour la sortie. Et ça aussi, il faut s'inscrire d'avance, j'imagine, au local du QTR qui est près de la cafétéria? Oui, qui est en face de la cafétéria. OK. Puis c'est ça, on a des permanences, on est là tout le temps du lundi au jeudi de 11h30 à 2h. OK. Donc, c'est possible de s'inscrire là. Il y a du café. Il y a du café. Oui, puis du thé. C'est vrai. Comme on est généreux. Oui. Oui, puis le prochain événement aussi, il y a le chalet de ski à Stoneham. Pas le même chalet que la controverse sur le sauf une faux chalet. Faut faire attention. Ouais. Il n'y a pas de controverse dans ce cas-là. C'est pas une référence à une vidéo. Faire d'émission spéciale. Ouais. C'est ça. Ne pas faire de reportage à TVA. Donc, c'est ça, c'est le chalet de ski. C'est la fin de semaine du 27. Non, c'est pas vrai. C'est la fin de semaine... pendant la semaine de relâche, en fait. Okay. C'est la première fin de semaine avant la semaine de relâche. Ouais. Puis, c'est ça. Ceux qui veulent venir, mais pas dépenser une fortune pour faire du ski... Parce qu'on va faire, on va offrir les deux. Donc, le chalet va être inclus. Donc, tu viens, tu peux aller au chalet, puis tu payes ta passe de ski à part. OK. Fait que y a beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent. Il y a beaucoup de notre clientèle que c'est les étudiants de la France. Mm-hmm. Puis, c'est ça, il y en a quelques-uns qui ne savent pas faire du ski, mais qui voudraient beaucoup venir au chalet, puis on pourrait faire des activités à l'extérieur. Mm-hmm. Donc, on va en profiter. Ceux qui veulent venir au chalet, mais pas aller faire du ski, peuvent. On va faire plein d'activités là-bas aussi. Il y a aussi la possibilité d'aller au spa dans la soirée. Oh. Oui, au spa. Avec de l'alcool. Nordique. Mais non, pas pardonner. Ah, non, pas au spa. Mais en revenant du spa, peut-être. Une petite dégustation de bière. C'est toujours des dégustations. Oui, c'est ça. Ils dégustent tout à la même. Ils dégustent de la Coors Light. C'est ça. Non, wesh, non, pas d'accord. Non, je suis wesh. Bon, ouais, c'est ça. Ah, crime. Ben, c'est des activités qui s'en viennent pour les prochains mois. Sinon, comme tu as dit, le kiosque est à l'avant de la cafétéria. Il y a du café, il y a des petites vidéos qui jouent en boucle des activités que vous faites. Ouais, et on a du thé aussi. Du thé en plus. Mm-hmm. Oh, ils sont full equipped. Full equipped. C'est ça. Et on peut s'inscrire aux activités là. On peut vous écrire par courriel aussi. La page Facebook. Oui, la page Facebook. Hier. Exactement. Et toi, si je t'ai bien entendu pendant la chronique, tu nous as vraiment dit, genre, t'as appelé les gens des UQTériens. Ouais. Ouais. Est-ce que ça veut dire que toi, tu prononces UQTR ou UQTR, toi? Hein? Moi, j'ai UQTR, même si ça, c'est le même nom que l'université, là. Bon. Mais... Parce que ne trouves-tu pas que si c'était UQTR, ça serait écrit T-E-R-R-E à la fin? Ça veut pas nécessairement dire. T'sais? Mais non, mais c'est R pour plein air. Ouais, mais justement, R comme plein air, UQTR. Hein? Ouais, mais il y a une apostrophe. Ouais, tu vérifieras bien au local où ils ont du petit café et du petit thé. Mm-hmm. C'est apostrophe R. Je gagnerai jamais à ce jeu-là. J'ai remarqué ça lorsque Sifu avait le kiosque. C'est R, ouais. Ah, tu vois, mais au moins j'ai parti dans sa tête et en train. Mais moi, je m'étais jamais posé vraiment la question. Mais là, tu m'en poses une bonne. Hein? Yes. Mais c'est à votre guise, là, j'imagine. À votre guise. C'est ça. Bon, c'est dit. Bref, Evelyne Dulac, on va te retrouver aux deux semaines. Ça veut dire que tu as comme un genre de 5-6 chroniques à faire d'ici la fin de la session. C'est pas tant que ça. C'est pas une grosse charge. Oui, ben j'aimerais beaucoup parler. Ouais. Je vais parler des campings d'hiver, des treks longue distance sur la planète aussi. Ça me tenterait bien gros. Cool. Ouais. De quoi est-ce qu'on a parlé avec Catherine pendant l'automne pour pas que tu reproduises les sujets? Mais on a parlé de camping d'hiver, oui, on l'a fait, mais on a surtout parlé des équipements. Oui. Qu'est-ce qu'il fallait que... C'était dans le temps de Noël, elle nous présentait des choses pas trop dispendieuses. Un palmarès de choses à acheter. C'est ça, si jamais on voulait en faire cadeau à quelqu'un. On a parlé de cadeaux, on a parlé de comment faire ses petits cadeaux dans le bois. Exactement, oui, on a parlé de... Ouais. Comment faire ses petits cadeaux dans le bois, ouais, exactement. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle disait, faut que tu traînes ta petite pelle, puis... Ouais, d'enterrer ça. Ouais, ça. Génial. Ouais. À une certaine distance des cours d'eau. Oui, en effet, je me souviens. On est là pour écouter, nous autres. On parlait aussi de sleeping bag, qui était très, très chaud. C'est vrai. Bref, c'était bien le fun, mais toi, ça va faire complètement changement. Pas que c'était pas le fun, mais ça va changer de style de chronique, de dynamisme, voilà. Donc, ça va être les lundis à 9h aux deux semaines. Et ça a commencé aujourd'hui, donc dans deux semaines. OK. Voilà. Merci, Evelyne Dulac. Parfait. Merci à vous. Bonne journée. Il nous reste encore un petit 5 minutes à l'émission, donc le temps d'entendre une chanson, puis après ça, on va revenir se dire au revoir. Donc, voici La Valérie, avec les enseignes au néon. Assez fou. 89h. FM. Ce soir-là, me laisser enivrer par tes mots. J'avais déjà la tête remplie de tracas. Tes mots ont desserré l'étau. Tes paroles reviennent et repassent comme un mécanisme à manivelle. Ça me sert comme une carapace quand mon bonheur est en dentelle. La Valérie. Et la pièce Les Enseignes au Néon. Mais Assemblage Requis, c'est là-dessus qu'on termine cette édition d'Assemblage Requis. Rapidement de même, autant, aussi vite que ça a commencé, ça se termine déjà. Mm-hmm. C'est triste, hein? C'est triste, c'est très triste. On remercie bien sûr Samuel Girard pour sa chronique de chialage sur l'éducation. Quoique aujourd'hui, c'est quand même, il a fait ça assez calme. Donc, merci Evelyne Dulac du Club plein air UQTR ou UQTR, comme ça vous tente. demain, l'émission mardi entre 6h30 et 9h30, on va avoir Jimmy Thibodeau à 8h pour sa chronique sur l'actualité internationale qui passe sous le radar. Ensuite, on va parler d'improvisation avec Gabriel Béhoud. On a aussi Louis-Philippe Quentin du journal Zone Campus qui va venir nous faire une petite. Segment sur le numéro qui sort demain, mardi. Enfin. Donc, on l'a dit tantôt, c'est le premier jour du carnaval. Oui, et c'est pas le dernier non plus, hein? Non, en effet, le premier est rarement le dernier. Donc, on a le quiz musical qui s'en vient à 14h aujourd'hui. Tu vas animer à la Chasse-Galerie. À la Chasse-Galerie, oui, j'animerai avec quelqu'un du carnaval. Je crois que son nom est Kevin, si je ne m'abuse. Cool! C'est un drôle de nom, je trouve. Je ne me souviens pas, Kevin, mais si je ne m'abuse. On m'a dit... Kevin. C'est à 14h à la Chasse-Galerie. Un petit quiz sur la musique alternative. Donc, soyez-y avec toi, Tania. Moi, je vais être dans les bureaux de C'est fou. Est-ce que les gens, ils sont est-ce que ça se dit expansés de cours? S'ils n'ont pas de cours pour le carnaval, ouais. Non, je pense qu'il faut qu'ils aient leur cours, j'imagine. Mais peu de gens se présentent. J'imagine. Ouais. Je me souviens, moi, mes cours pendant le carnaval. Il n'y avait pas grand monde dans nos cours. Ouais. Sinon, aussi, aujourd'hui, on a le Café Baileys. Oui, c'est vrai. On s'en va là. Hein? On s'en va là, absolument. qu'est-ce que je disais? Demain, l'émission 6h30 à 9h30. Sur nos ondes, plus tard aujourd'hui, bien sûr, le Dîner de con. Va être là à 11h avec Danny Janvier. Ensuite, en après-midi, c'est Les Délirantes à 13h. Puis à 14h, la rediffusion de Rock Classique avec Alain Lefebvre. À 19h, le Voyage Insolite avec de la culture rock, cinéma et littérature fantastique. Et à 20h, c'est Rock de Neurones avec du rock progressif. À partir de la semaine prochaine, à 10h, les lundis, on aura C'est Fou le Sexe. Ça commence le 1er février. Ah, je croyais que c'était déjà commencé. Non, donc la semaine prochaine, lundi à 10h, cifou.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balles d'audiodiffusion. Merci, Tania. Merci à toi, Mathieu. À demain. À demain. Bye. Bon café.